Activité 7, page 115, piste 88. A. Elle te dit non. B. Nous partons en vacances au Brésil. C. Tu as une brochure de voyage? D. J'aime voyager.